C'est le tango des fachos. Un dieu donné au club égalité. C'est le tango des fachos. Un Serge Ayoub, le tout bien faisandé. C'est le tango des nazis. Avec Marine, son monde le pénisé. C'est le tango, celui des abrutis. Une troisième voie et des fils barbelés. Tango des cons, viens boire un coup à la maison. Y aura du vin, une tranche de lard, du saucisson. Un tango fasciste, avec ton pote le Jésus-Christ. Un tango facho, une croix gammée sur le gâteau. C'est le tango des petits-fils d'Hitler, le bras tendu vers un ciel vert de gris. C'est le tango du bloc identitaire, au pas de loi, nouvel ordre nazi. C'est le tango, celui qui fait fureur, manif pour tous, un bon fils de Pétain. C'est le tango, monsieur Adolphe Pépère, casquette Ricard, pastis et nain de jardin. Tango fatal, avec les amis de Soral. Et tango pourri, avec Ayoub et ses nazis. Et tango olé, avec le Jean-François Copé. Tango SS, avec Pépère qui serre les fesses. Ce sera tout pour aujourd'hui.